L'ambassadeur coréen Kim Jong-gap a rendu une visite d'adieu le 26 novembre au président guinéen Alpha Condé. En audience, il a transmis les salutations chaleureuses du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, et les salutations de Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, adressées au président Alpha Condé. Le président guinéen en a exprimé ses vives reconnaissances et prié l'ambassadeur coréen de transmettre ses salutations sincères, souhaitant santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et plus grand succès dans son travail responsable, ainsi que ses salutations à Kim Jong-nam. Il a dit qu'il est réjoui du fait que le peuple coréen remporte des succès dans tous les domaines, comme l'édification d'une puissance économique et l'amélioration de vie de la population, sous la direction imminente de son excellence Kim Jong-un. Il a souhaité plus grand progrès dans la lutte pour la réunification du pays et l'édification d'une puissance socialiste en Corée.